Vénus rustique, quatrième partie. Les animaux aussi l'aimaient étrangement. Elle avait avec eux des caresses humaines, et près d'elle, ils prenaient des allures d'amant. Ils frottaient à son corps, ou leurs poils, ou leur laine. Les chiens la poursuivaient en léchant ses talons. Elle faisait de loin hennir les étalons, se cabrer les taureaux comme auprès des génisses, et l'on voyait, trompés par ses ardeurs factices, les coqs battre de l'aile et les boucs s'attaquer front contre front, dressés sur leurs jambes de faune. Les frelons bourdonnants et les abeilles jaunes voyageaient sur sa peau sans jamais la piquer. Tous les oiseaux du bois chantaient à son passage ou parfois, d'un coup d'aile errant, la caressaient, nourrissant leurs petits, cachés en son corsage. Elle emplissait d'amour des troupeaux qui passaient, et les graves béliers, aux cornes recourbées, n'écoutant plus l'appel chevrotant du berger, et les brebis, poussant un bêlement léger, suivaient d'un trot menu ses grandes enjambées.